إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضروا بالفاني للباقي. رواه ابن عاصم في الزهد، وحسن إسناده الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man talaba ad-dunya adarra bil-akhirah. Celui qui demande la dunya, donc la vie d'ici-bas, alors il va apporter préjudice à la vie de l'au-delà. Wa man talaba al-akhirata adarra bid-dunya. Et celui qui demande la vie de l'au-delà, alors il va apporter préjudice à cette vie d'ici-bas. Et ensuite il a dit: فَأَدِرُّ بِالْفَانِي لِلْبَاقِي. Alors, porter préjudice pour celle qui s'efface, qui part, pour celle qui demeure. C'est-à-dire, بِالْفَانِي, celle qui part, qui s'efface, c'est cette vie de dunya. وَالْبَاقِي, celle qui demeure, c'est bien sûr la vie qui est dans l'au-delà. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Surat Al-A'la, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mais vous préférez la vie la plus proche, cette vie d'ici-bas. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Alors que l'au-delà, la vie d'après, خَيْرٌ est meilleure, وَأَبْقَى est plus durable. Maintenant, nous allons prendre le cours de fiqh, inshallah, toujours sur le livre qui s'appelle Mukhtasaru Abi Shuja' de l'imam Abu Shuja' rahimahullah, dans le fiqh Shafi'i. Et nous avons, il fallait que l'on termine sur Masarif al-Zakat. Donc nous sommes dans le chapitre de la zakat, et là nous sommes dans terminer le sous-chapitre qu'on va appeler Masarif al-Zakat, donc les sortes. Où est-ce ceux à qui on doit donner la zakat, la zakat, d'accord. Donc on avait vu les huit catégories. Et ensuite l'imam Abu Shuja' rahimahullah a dit: Wa ila man wujida minhum. Et donc ça veut dire qu'il a cité le verset, et après il a dit donc ceci: Wa ila man wujida minhum. Et à ce qui on trouve parmi eux, c'est-à-dire qu'à qui on trouve parmi eux, il faut donner. ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلى العامل. Et on ne descend pas au-dessous de trois personnes pour chaque catégorie, sauf al-amil, sauf celui qui travaille, sauf celui qui travaille pour récolter la zakat. Ça c'est l'avis dans le mazhab al-Shafi'i, c'est qu'il faut donner la zakat aux huit catégorie obligatoirement, et à trois personnes à chaque catégorie, d'accord, sauf pour celui qui travaille pour la zakat. Cet avis, et c'est l'avis donc dans le mazhab Shafi'i, mais l'avis le plus juste inchallah, c'est que il est autorisé de donner la zakat à une seule catégorie et à une seule personne, d'accord. Voilà, maintenant on va. On va finir le chapitre de la zakat par ceci. Donc l'imam Abu Shuja' rahimahullah a dit: Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilayhim. Il y a cinq catégories. Il n'est pas autorisé de leur donner à eux. Il n'est pas autorisé de donner la zakat à ces cinq catégories que l'on va citer. La première: Al-ghaniyu bimalin au kasb. Celui qui est riche par un bien ou au casb, ou par le fait qu'il a un revenu. Donc lui, on n'a pas le droit de donner à celui qui a de l'argent avec lui, même s'il ne travaille pas, mais il a de l'argent, ou celui-là qui a un revenu. D'accord? Bien sûr qu'il lui suffit le revenu, comme on a vu. Sinon, il est un miskin. Et ça, cette condition-là, comme je sais dans la notation que j'ai notée, fi ba'd al-asnaf, c'est dans certaines catégories des 8. Parce que comme on avait vu, le mujahid, on va lui donner comme la zakat, avec les conditions qu'on a citées. Et wal-amil, même si le mujahid, il est riche, il a de quoi se nourrir. Wal-amil, ceux qui travaillent pour la zakat, pareil, d'accord? Donc c'est pas pour tous, mais c'est avant tout pour les pauvres, les al-fuqara ou al-masakin, donc ces deux catégories de pauvres, ainsi que Ibn Sabil, celui-là qui a le voyageur qui n'a plus, comment dirais-je, qui n'a pas assez d'argent pour rentrer chez lui, c'est eux, il faut cette condition, al-rani bimalin ou bi kasb. Deuxième catégorie, wal-abd, et l'esclave. Donc comme on a déjà dû, hein, je vais encore le redire, comme vous savez d'ailleurs, l'esclavage est tout à fait halal en islam, ça a été halal. Sachez que c'est halal dans la religion, dans la charia de Moussa alayhi salam, et dans la charia de Issa alayhi salam, et dans la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour de la résurrection. Et même dans la Bible, l'esclavage est noté et n'est pas interdit. Même dans le Nouveau Testament des chrétiens, l'esclavage est noté et n'est pas interdit. D'accord? L'esclavage est tout à fait halal jusqu'au jour de la résurrection. Ça n'a jamais été interdit, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pratiquait l'esclavage. Il est mort sur ceci. Et ses compagnons après l'ont fait dans tous les livres de fiqh, dans les quatre écoles, et même dans le madhhab Zahiri ou autre. L'esclavage est tout à fait autorisé avec ses règles. Donc, où est l'esclave? Donc, étant donné que, comprenez, étant donné que par exemple dans ce livre de fiqh, l'esclave est cité, ça veut dire que l'esclave est une chose qui est réelle et concrète. Donc, l'esclave, à lui, qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas la zakat à l'esclave. Pourquoi? Parce que s'il est pauvre, s'il n'a pas assez d'argent, ben, en fin de compte, ça veut dire que son maître il est pauvre. Donc, c'est à son maître qui est libre, à qui on va donner la zakat, afin qu'il nourrisse son esclave et lui-même et le maître même, d'accord? Donc, mais l'esclave à lui-même, on donne pas la zakat. Sauf la catégorie qu'on a vue comme c'était dans le Coran, wafir riqab, et dans les esclaves, c'est-à-dire pour affranchir certaines catégories d'esclaves, comme on a vu, d'accord? Mais sinon, dans les autres catégories, l'esclave en lui-même, s'il est pauvre, d'accord? On ne lui donne pas la zakat, mais on donne la zakat à son maître qui est pauvre. Troisième catégorie, Wabanu Hashimin Wabanu Muttalib. Donc, les enfants de Hashim, les enfants de Muttalib. Ça, c'est par rapport à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car on n'a pas le droit de donner la zakat. On n'a pas le droit de donner la zakat au prophète, à sa famille. D'accord? Maintenant, on peut donner hadiya, on peut donner des cadeaux, on peut offrir des choses au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa famille. Mais la zakat, non. D'accord? La zakat, c'est totalement interdit. Mais on peut faire des dons, donner de l'argent ou autre, en tant que don, et non pas encore en tant que zakat à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quatrième catégorie à qui on n'a pas le droit de donner la zakat, comme a dit l'imam Abu Shuja, rahimullah, wa al-kafir. Al-kafir, le mécréant, c'est-à-dire celui qui n'est pas musulman, le mécréant, on n'a pas le droit de lui donner la zakat. On peut donner un don, on peut faire un cadeau, surtout si c'est de la proche famille, d'accord, pour ça, il n'y a pas de problème de donner des cadeaux aux koufars. Comme par exemple Omar ibn Khattab radiallahu anhu, a donné un cadeau à quelqu'un de sa famille qui était mécréant et qui était à la Mecque, il n'y a pas de problème. Mais la zakat, comprenez bien, la zakat, ce n'est pas autorisé. La zakat, on ne donne pas à tout le monde, c'est spécifique. Cinquième catégorie. ومن تلزم المزكي نفقته ولا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. Donc on ne donne pas la zakat à qui, celui qui donne la zakat, est tenu, donc c'est obligatoire pour lui, de subvenir à ses besoins. Par exemple, un homme qui est marié et sa femme est pauvre, on va dire, eh bien il n'a pas le droit de donner la zakat à sa femme, parce que c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa femme. Question, est-ce que une femme, par exemple, qui a de l'argent, qui a de l'or, et son mari, Eh bien, il a fait faillite, par exemple, il est pauvre, il n'a plus de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de sa femme. Question. Est-ce que sa femme peut donner la sazaka, donc c'est-à-dire que sa femme, elle est riche, elle a de l'argent, mashallah, et elle veut donner la zakat à son mari. Est-ce qu'elle a le droit ou pas? Petite question. Je vous enlève les interdictions et vous me répondez, inshallah. Donc la question, est-ce qu'une femme qui a de l'argent et qui doit donc donner la zakat peut donner la zakat à son mari qui est pauvre? Voilà, comme simple. Oui, Allah Abu Mourad, oui, ça c'est une question, c'est pas, ce n'est pas, ça rentre pas dans la fatwa, c'est vous pouvez, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est interdit quand on ne sait pas quelque chose de dire à une personne, ça c'est ceci, haram ou halal. Là, je demande à votre un effort de réflexion, juste comme ça, mais ça reste dans le cadre de ce qu'on appelle talabulrim ensemble. Donc personne ne répond. Personne ne sait. Personne ne veut s'avancer. Bon, ouais, je vais répondre, Inch'Allah. Oui, c'est autorisé. Parce que si vous prenez la définition que je viens de dire, il n'y a pas de problème. C'est interdit de quoi? De donner les zakat à ceux à qui on est obligé de pourvoir à ses besoins. Le mari est obligé de pourvoir aux besoins de sa femme. Mais est-ce que la femme est obligée de pourvoir aux besoins de son mari? Non. Donc, elle peut donner ses zakat à son mari. Voilà la réponse. Et donc, comme c'est marqué après, l'imam Abu Shuja va donner une précision. Donc, il n'a pas le droit de donner à eux, à ce qui. Donc, la personne qui doit donner de la zakat n'a pas le droit de donner la zakat à qui il est obligatoire sur lui de pourvoir ses besoins. Pour les noms des Fukara et Masakim, c'est-à-dire s'ils sont pauvres parmi les deux catégories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yajouz Dafouha Ilehim Bismikonihim Rouza, c'est-à-dire que c'est autorisé de la donner à ceux à qui il doit, il est obligatoire sur lui de se mettre à ce besoin, mais si c'est autre chose que des pauvres, comme par exemple quoi? El Rouza, par exemple si ce sont des Mujahidoun qui combattent, d'accord? Ou ceux qui se sont endettés parmi les catégories qu'on a vues parmi les endettements, ou si c'est une personne par exemple qui travaille pour récolter la zakat, etc. Mais si c'est par rapport aux pauvres, il n'a pas le droit de donner la zakat. Ici, nous avons fini le chapitre de la zaka. Alhamdulillah. Az-zaka, avec un ta marbouta. Mais il est autorisé de dire az-zakat en prononçant ta. Car c'est une langue des Arabes auxquels on prend argument, mais ça a été très peu utilisé. Sachez-le, donc on a le droit de dire salat et salat. Mais ce que les Arabes avaient le plus était le plus à appliquer, c'était que le tamarbouta, quand on s'arrête dessus, on s'arrête en faisant un ha. Salat, bakara, par exemple. Écoutez, je vous donnais le micro. Et on commencera demain, Inch'Allah, le chapitre du jeûne. D'accord? Et si vous avez des questions sur la zakat, allez-y. Sinon, on va prendre directement le cours. Voilà, c'est des questions. Sinon, on va prendre directement le cours du tawhid. Inch'Allah, pas de questions apparemment. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon, bah, je vais commencer à lire dans le Tawhid, Inch'Allah, dans notre cours dans le Tawhid. Alhamdulillah. Et nous étions toujours dans la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Shurut la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah. Et nous étions à la septième condition. السابعة Et hier, nous avons fait la sixième qui était Al-Inqiyad. Al-Inqiyad, qu'on peut traduire par le fait d'obtempérer ou obéir d'une parfaite obéissance. Donc aujourd'hui, c'est As-Sabir, la septième condition. Et comme l'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, rahimallah, la septième condition, c'est quoi? As-Sabiru al-Qaboulu al-Munafil-Rad. C'est l'acceptation, ce qui annihile, on va dire, ce qui est le contraire de quoi? De Rab, du Rad, c'est le fait de refuser, donc de retourner. C'est-à-dire que là, c'est le fait de refuser. Ça, c'est une condition qui est par rapport au cœur. Mais là, je viens juste de m'apercevoir que, en fin de compte, on avait, il me semble, oui, on n'avait pas, j'avais pas fini toutes les annotations. Non, c'était plus, juste un petit peu pour la sixième condition. On va revenir juste à la sixième condition qui est al-inqiyad. Comme je l'avais dit d'ailleurs, al-inqiyad, c'est le masdar du verbe inqada. Inqada. Et la racine du mot est de trois lettres, c'est le qaf, al-waw, wad-dal. Et le verbe c'est qada yakudu, qiyadatan. Et c'est là ça l'origine du mot. Et qada, ça veut dire quoi? On dit mathalan. قادت دابة أي مشى أمامها ça veut dire quoi? قادة, ça veut dire c'est le fait d'amener quelque chose. Donc là, on va dire قادت دابة, donc il a dirigé, d'accord? Il a pris donc le contrôle des bêtes. Ça veut dire que quand, par exemple, un paysan va vouloir sortir ses vaches au champ, il va les amener, d'accord? Donc il va leur ordonner, il va se mettre devant les vaches et il va les amener. Pourquoi je dis devant? Parce que qada, on l'utilise quand la personne qui ordonne un groupe, par exemple un groupe d'animaux ici, de le suivre, donc de l'obéir, d'accord? Donc il se met devant. Et on dit qada yakudu quand il est devant. Si le paysan se met derrière le troupeau des vaches et fait avancer le troupeau de vaches alors qu'il est derrière le troupeau, d'accord? Donc il leur demande de lui obéir alors que lui est derrière. On dit plus le verbe qada, on dit le verbe saqa yasuku. Saqa, d'accord? Qada, c'est celui qui dirige un groupe ou une personne, d'accord? Pour le faire avancer quelque part. S'il est devant, on dit qada, et s'il est derrière, on dit saqa. Voilà, ça c'est linguistique. Ensuite, du verbe qada, il y a le mot inqada, d'où le masdar, le masdar qui est inqiyad. Et donc, c'est soi-même, ça s'amenait à quelque part, d'accord? C'est comme on dit en arabe, c'est inqada. C'est ce qu'on appelle en arabe mutawir qada, c'est-à-dire qu'il fait sur lui-même le fait de s'amener quelque part, d'accord? C'est-à-dire qu'il s'ordonne à lui-même d'aller quelque part pour obéir. Donc voilà, c'est juste une petite précision par rapport au sens linguistique qui est très important à comprendre ici. Et on va donc hier, j'avais lu la parole du cheikh Islam Taymiyyah qui était dans l'Aqid al-Wasitiyah par rapport à l'iman. Donc quoi, c'est qawl wa amal. C'est quoi l'iman? C'est qawl wa amal, une parole et un acte. Et c'est quoi exactement? Donc la parole du cœur et de la langue. La parole du cœur, c'est la croyance, d'accord? Elle est artiqad, d'accord? C'est la croyance. Et la parole de la langue, c'est le fait, par exemple, d'attester qu'il n'y a pas de divinité par voie sauf Allah. Ensuite, l'action, c'est de trois sortes. Ramalul qalb, l'action du cœur, comme par exemple le fait d'avoir peur d'Allah, de l'aimer, d'espérer en lui. Tawakkul, le fait de se remettre en lui, par exemple. Et Ramalul Lisan, l'acte de la langue, c'est ordonner le mal et interdire, Astaghfirullah wa toubou, ordonner le bien et interdire le mal, ça c'est l'acte de la langue. Ou Ramalul Jawarih, donc l'acte des membres, donc, du corps, c'est comme la prière, jeûner, faire le djihad, faire la hijra, ou toute autre action du corps. Comme je l'avais dit, il y avait ce qu'on appelle irja ul fuqaha. Irja est un plusieurs degrés, le plus faible. C'est ce qu'on appelle irja ou fuqaha. Je l'ai expliqué hier que ce qu'on appelle ceux qui sont murji'at ou fuqaha, ils enlèvent l'amal de l'iman. C'est-à-dire que pour eux, l'iman, c'est seulement l'i'tiqad ou l'qawl. C'est seulement la croyance et la parole. Et certains parmi eux disent que l'amal, c'est partie de l'iman, mais c'est un shartu kamal. La sihah, c'est une condition de perfection, non pas de validité. Comme je l'ai dit, en fin de compte, c'est exactement de dire comme les autres. Alors qu'on a vu que, comme l'a dit l'imam Shafi'i, il y a unanimité chez les sahaba et aussi chez les tabi'in, comme quoi l'iman, c'est trois choses, et ces trois choses sont indissociables. Si on enlève un, une de ces trois choses, et bien l'autre n'est pas valide. Donc la parole la plus juste, c'est comme quoi l'iman, c'est bien dans le cœur, dans la parole et dans les actes. C'est aussi les actes. Voilà. Et parmi, comment dirais-je, une chose comme on avait vu, qu'on avait étudié avant, pour celui qui délaisse la prière, donc c'est un acte, le fait de délaisser la prière, comme je l'ai dit, c'est un acte, le délaissement est un acte par rapport au verset dans la sourate Baqara qu'on a lu. Et le fait de délaisser la prière, l'avis le plus juste, c'est de la grande mécréance. C'était la parole qu'on avait vue de Al-Uthaymeen, aussi d'autres savants de cette époque. C'est aussi l'avis du cheikh Islam Taymiyyah, ainsi que l'imam Ahmed, et de Ishaq ibn Rahawai. Et ce qui est rapporté de l'imam Shafi'i de lui-même, et c'est ce qui est rapporté aussi des sahaba, mais comme on a vu, il n'y a aucun sahaba qui a dit le contraire, il n'y a aucun sahabi qui a dit comme quoi le fait de délaisser la prière, ce n'est pas du grand kufr. Mais il n'y a donc ça, ce qui implique en fin de compte, il y a eu unanimité un ijmar des sahaba comme quoi celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Wallahu a'lam. Voilà, je voulais juste finir ça par rapport à l'inqiyad. Maintenant, on va prendre El-Kaboul, qui est donc l'acceptation. L'acceptation du La ilaha illallah. Là, c'est par rapport au cœur. Et comme je l'ai dit, El-Inqiyad, c'est par rapport au corps. D'accord? Comme avait dit le cheikh Mohammed El-Inqiyad, donc le fait d'obéir à ses droits, et ce sont les actions obligatoires, al-wajiba. En lui faisant seulement l'ikhlas, d'accord, et sincérité seulement pour Allah et en demandant son agrément. Maintenant, la septième condition qui est l'acceptation, là c'est par rapport au cœur. Qala Allahu ta'ala innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'rin majnun. Donc ça, c'est la sourate As-Safat, le verset 35. Innahum, certes eux, c'est-à-dire les mécréants, et notamment là c'était les mécréants de comment dirais-je, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah, certes eux, si on leur disait à eux la ilaha illallah, donc dites la ilaha illallah, yastakbirun, ils s'enorgueillissaient, c'est-à-dire que le kibr les prenait, l'orgueil, donc ils refusaient de le dire par orgueil, c'est-à-dire qu'ils le refusaient, rad, et là c'est par rapport au cœur. Et ils rajoutaient, wa yaqulun, et ils disaient, a inna la tariku alihatina li sha'rin majnun, est-ce que nous on va être à délaisser nos divinités pour un poète qui est fou. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà à son époque, comme vous savez, à toute l'époque, il se faisait insulter par les mécréants. Là, les mécréants disaient, par exemple, qu'il était un poète fou, majnoun. Et il insultait et il accusait de plusieurs choses, comme c'est dans le Coran. Il disait aussi que c'était un kahin, par exemple, un devin. En riyazubillah. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil, c'est quoi? Et là, maintenant, on va lire un hadith, qui est une partie d'un hadith qui est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner la définition du kibr, al-kibr, l'orgueil. Et l'être humain qui peut donner une meilleure définition d'un mot, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'est mieux qu'un dictionnaire ou autre. Il va nous donner la définition du kibr, de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Donc comment savoir si en nous on a l'orgueil, et on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver de l'orgueil, et si on en a, et bien de purifier notre cœur de l'orgueil. C'est ça l'orgueil. El kibru بطروا الحق وغمتوا الناس، رواه مسلم، وهو الحديث 91، donc rapporté par Muslim, et c'est le hadith numéro 91. Il a dit Al-Kibr, l'orgueil, c'est quoi? Batar. Batarul haqq. Alors, le mot batar, ça veut dire quoi? C'est Ar-Rad. C'est le fait de refuser. D'accord? C'est-à-dire qu'en son cœur, on refuse. C'est refuser Al-Haqq, la vérité. C'est quoi l'orgueil? C'est refuser la vérité. Quand la vérité vient à soi, eh bien, on la refuse. D'accord? Ça, c'est l'orgueil. Pour X raisons. Soit parce qu'on déteste la personne pour X raisons, ou par hasad, par jalousie, ou je ne sais quoi encore. Ou par exemple, comme vous savez, les juifs notamment qui étaient à Médine, attendaient le prophète. Et ils pensaient qu'il allait venir, ce prophète, parmi leur race, la race juive. Or, il est venu parmi la race des Arabes, donc les descendants de Ismaïl, et non pas les descendants de Ishaq. Et l'orgueil les a pris. Et c'est quoi l'orgueil de quoi? L'orgueil de la race. Ils n'ont pas accepté qu'un prophète vienne autre que par leur race. Et cet orgueil les a pris. C'est ça qui les a poussés notamment à refuser d'accepter la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-kibr batarul haqq. C'est quoi l'orgueil? C'est le fait de refuser la vérité. Et aussi quoi? Wa ghamtu nas, wa ghamt, ghamta avec un ghayn, un mim et un ta. Wa ghamtu nas. Gham, c'est quoi? Al-ihtikar. Al-ihtikar, c'est quoi? C'est de mépriser. Donc de mépriser les gens. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-kibr batarul haqq wa ghamtu nas. Donc, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens, de sous-estimer les gens, de mépriser les gens. Et on voit comme quoi, en prenant les juifs, par exemple, notamment qui étaient à Médine ou autour, ils méprisaient notamment les Arabes qui étaient descendants de Ismaïl, pourtant. Il est méprisé parce qu'il ne savait pas très bien écrire, etc. D'accord? Et on voit l'orgueil où elle se place. Donc il faut faire très attention, avant tout, non pas à chercher l'orgueil chez les autres, mais avant tout chez nous, pour voir chez nous, soi-même, faire un djihad nefs, parce que là il y a djihad nefs, faire un travail sur soi-même, regarder dans la journée, dans la semaine ou autre, quand est-ce qu'il peut y avoir un orgueil qui vient en nous. Et le chasser cet orgueil, faire un djihad nefs, d'accord, combattre soi-même, combattre son ego, afin que si on voit qu'on a un orgueil qui commence à s'implanter, l'enlever. Et si on voit qu'il y a déjà un orgueil qui est déjà depuis longtemps, eh bien l'enlever. D'accord. Donc, je vous rappelle que l'orgueil, c'est batar al-haq, refuser la vérité, ghamtu an-nas, et mépriser les gens. Comme je vous l'ai dit, ce hadith, en fin de compte, est une partie d'un hadith, c'est la fin d'un hadith. Un hadith qui est assez connu, je vais vous réciter une charade depuis le début, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yatrul jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibra. Il ne rentrera pas au paradis celui qui a en son cœur le poids d'un atome de kibre, d'orgueil. Liyazu billah, celui qui a un tout petit peu aussi, un atome d'orgueil dans son cœur, il ne rentrera pas au paradis. Donc il y a une personne qui a dit Ya Rasulallah, au message d'Allah, Inna Rajul, certes l'homme, Yuhib an yakun thawbuhu hasana, il aime à ce que son habit soit bien, beau, hasana, bien, qu'il soit bien. Wa na'luhu hasana, et ses chaussures, bien. Donc il aime bien que s'habiller, de bien s'habiller et bien se chausser. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Donc là, on voit que le fait d'être juste beau, et notamment ça inclut la propreté, mais d'avoir un beau vêtement, ça en soi, ce n'est pas du kibr. D'accord? Mais il faut attention, bien sûr, il n'y a pas d'exagération. Et ensuite, il a dit cette parole. Il a défini c'est quoi le kibr, comme on vient de le voir, et il a dit après Al-kibru batarul haqqa. L'orgueil, Al-Kibr, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Je vais m'arrêter encore un petit peu sur Al-Kibr, parce que c'est très important, l'orgueil. À le connaître, à le définir, afin de voir s'il vient en nous, afin de mieux le chasser. Comme l'on dit, Iblis, Le shaitan, le Satan, d'accord. Avant, il était parmi les anges, c'est-à-dire que c'était pas un ange, comme se disent, veulent faire croire les chrétiens juifs, mais il était parmi les anges, il évoluait parmi les anges, et notamment on disait que c'était l'imam des anges, il avait beaucoup de science, il n'était pas encore mécréant. Et à un moment donné, il est devenu mécréant, donc on va dire qu'il est devenu murtad, d'accord? Apostat. Il a apostasié alors qu'il était croyant. Comment est venu son péché, et notamment sa croyance? Eh bien, par le kibr, par l'orgueil, wal'iyadhu billah. Quand Allah azawajal a demandé aux anges, et Iblis était parmi les anges, de se prosterner, il a refusé. Et comme je vous cite un verset, et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam. Fasajadu illa Iblis aba wastakbar. Alors ils sont prosternés, sauf Iblis. Aba, il a refusé, wastakbar, istakbar, et il a eu du kibr. Alors il a eu de l'orgueil. Il était parmi les mécréants, ça veut dire qu'il est devenu mécréant avec ceci. Et quand vous allez dans d'autres versets, ça explique pourquoi cet orgueil, comment c'était quoi? Eh bien, c'était par le fait que Allah Azawajal, après lui a demandé, mais pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Et il a dit, comment je me prosternerai pour une chose que tu as fait de boue, alors que moi j'ai été créé de feu? C'est-à-dire qu'il a méprisé Adam. Et donc il a refusé cette vérité. La vérité qu'il fallait bien qu'il se prosterne. Et donc ça inclut quoi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a remis en question l'ordre d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est du kufr. Comme quelqu'un qui va dire, mais pourquoi l'alcool serait interdit à notre époque? Mais non, c'est pas interdit à notre époque l'alcool. Celui qui dit ça, il du kufr parce qu'il remet en question. Donc il fait un rod, il refuse la loi d'Allah Azzawajal, même si c'est une. D'accord? Et c'est ce qu'a fait le shaitan. Il a refusé la loi d'Allah, non pas par simple désobéissance, mais c'est qu'il a remis en question l'ordre d'Allah Azawajal. Non, cet ordre-là que tu donnes, en fin de compte, il est faux, je n'ai pas à me prosterner. Cet ordre-là, je n'ai pas, ce n'est pas obligatoire pour moi de me prosterner pour Adam. Comme quelqu'un qui va dire, ce n'est pas obligatoire pour moi de faire la prière, ni le jeûne, etc. D'accord? Iblis est devenu kafir par rapport à ça. Et pourquoi il a refusé, pourquoi il a prévenu comme quoi cet ordre venant d'Allah je n'était pas un ordre pour lui, il n'avait pas à obéir, c'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire pour lui, eh bien, par orgueil, par le mépris d'Adam, comme ont fait les Juifs en méprisant les Arabes, en refusant la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient à ceci, notamment le fait d'être humble et de ne pas s'enorgueillir par la croyance, par les gestes aussi. Sachez, je vous dis par rapport à un hadith qu'on verra plus tard, Inch'Allah, parmi les hadiths que je lis au début du cours, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, un arabe, je suis un esclave. Ajlis kama yajlisu l'arabe wa akul kama yakul l'arabe. Je m'assois comme s'assoit l'esclave, c'est-à-dire par terre, pas sur une chaise, et je mange comme mange l'esclave, c'est-à-dire par terre. Donc ça implique quoi? Que cette modestie et le fait donc de s'écarter de l'orgueil, c'est pas seulement un travail du cœur, mais ça doit être aussi, ça doit se traduire par des actes dans le corps et envers notamment ses frères et ses sœurs. Notamment par des positions qu'on a à voir. On se met pas on se met pas debout devant tout le monde et surélevé alors que les autres sont en dessous. On essaie toujours d'être au même niveau, ne serait-ce que d'une manière apparente comme ça physiquement. Ici, on a fini, Inch'Allah, les sept conditions du La ilaha illallah, si je ne me trompe pas, oui, Alhamdulillah. Je vais juste vous réciter, comme je l'avais fait au début, une prose, si c'est une prose qu'on dit en arabe, en français, bayt, où il y a les sept conditions qui sont citées. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها علم donc une science une connaissance يقين une certitude وإخلاص une sincérité وصدقك et ta véracité مع avec quoi محبة un amour وانقياد et une obéissance والقبول لها et son acceptation. Donc maintenant, inshallah, qu'on a fini cette petite risale-là, on va le prochain cours sera bien sûr dans Nawaqid de l'Islam, les annulations de l'Islam. Notre frère repère de sagesse m'avait donné justement un lien si vous voulez lire un char, une explication de comment dirais-je des annulations de l'Islam par le cheikh El Olouane que je vais vous donner. Et que normalement vous pouvez trouver sur son site Repère de Sagesse, d'accord? Que je vous demande d'ailleurs, enfin que je vous conseille d'aller le visiter de temps en temps. Voilà, ça c'est le lien pour voir l'explication, c'est la traduction hein, de Nawaqid l'Islam du Cheikh Al-Urwan. Hafizahullah, wa faqih Asra, qu'Allah le préserve et le libère. Et il est 21h05, et donc il reste 25 minutes de cours. Inch'Allah, pour pas commencer le cours maintenant, je vais faire juste une petite. Avant de rentrer dans l'islam, dans les 10 annulations, Inch'Allah, je vais juste vous lire assez rapidement une petite risala du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimullah, qui était au début de ce qu'on appelle le wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Donc, où il avait dit, en fin de compte, c'est, il a dit les trois, al-usul al-thalatha, les trois bases, les trois fondements, mais sans les preuves. Parce que celui, le petit livre qu'il a écrit, qui est très répandu, c'est al-usul al-thalatha, c'est les trois preuves, et les trois fondements, pardon, et avec ses preuves. Or, il a écrit aussi une autre risala qui fait que quelques lignes, qui en fin de compte le résumé. Qui est le matn, en fin de compte, de l'usul al-thalatha, des trois preuves, des trois fondements. D'accord? Et donc, je vais vous lire ceci, qui est de lui. Donc, c'est les trois fondements sans les preuves. Donc, c'est vraiment un résumé de ce qu'il a écrit. Qui s'intitule al-usul al-thalathatu lati yajibu ala kulli muslimin wa muslima ta'allamuha. Ce sont les trois fondements qui sont obligatoires sur chaque musulman et musulmane. D'apprendre. وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la connaissance de l'esclave, c'est de l'être humain. Pourquoi on dit que l'être humain est un esclave, un abd? Parce qu'il appartient à Allah. Et quand un appartient à quelqu'un, eh bien, on dit que c'est un esclave. Ah, donc c'est la connaissance de l'esclave qui connaît quoi, doit connaître quoi? Rabbahu, son maître. D'accord? Celui qui le possède, c'est Allah Azzawajal. Wa dinahu, donc la connaissance aussi de sa religion. Wa nabiyyahu, et de son prophète Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam, de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Juste pour ceux qui font du nahu, wa hiya, donc hiya ici c'est mubtada. Ma'rifatu, c'est le khabar, donc les marfou ou al mudaf ou al abdi mudaf ilay. Rabbahu, c'est pas rabbuhu ou rabbihi. Rabbahu. Rabba, il est mansoub, d'accord? Ou mansoub. Limadha huwa mansoub? Lianahu wa maful bihi. Maful bihi? Non, maful bihi, il est masdar ma'rifa. Et, wa hiya an ya'rifa al abdu rabbahu. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas trop le nahoum, là j'ai fait l'analyse grammaticale et j'ai expliqué que comme quoi rab c'est le maful bihi. Pour ceux qui. Son tout début du nahou, ça peut paraître un petit peu étrange, parce qu'ils vont dire, mais Ein al-fir, où est le verbe? Eh bien, on leur répond, la jad fir, walikin jad ism, wa hadha al-ism, ya'malu amal fir. Il y a un nom, et ce nom fait l'action du verbe, et c'est le masdar ici, le masdar de marifa. C'est-à-dire, wa hiya an ya'rifa al-abdu rabbahu. Et l'abd, ici, il est mudaf ilay, majur, an tajarrihi al-kasra, wa huwa fa'il. وَهُوَ مِنْ بَابِ إِدَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَعِلِهِ. Ça, c'est pour ceux qui font du nahu. Voilà. Donc maintenant, ensuite, ensuite le cheikh Mohammed ibn Hanbal a dit, et si on te dit, Manrabbu, qui est ton Seigneur, fa koul. Alors dit, Rabbi Allah, mon maître est Allah, alladhi rabbani, celui qui m'a élevé. Alors élevé, c'est dans le sens qui m'a créé, qui m'a donné la subsistance et qui m'a donc d'étape en étape mis ce que je suis jusqu'à maintenant. Rabba Jamil Alamine, qui a donc élevé, donc créé tout ça et donc donné la subsistance et autres à l'ensemble des mondes. Bini'matihi, par son sa ni'ma, son bienfait. Wahua Marboudi, et il est mon adorateur, mon adoré. C'est-à-dire Marboud, c'est celui à qui on donne l'ibada. Il est celui à qui je donne l'adoration. Laysali Marboudun siwa, et je n'ai pas d'autre d'adorer en dehors de lui. Donc, ce n'est que Allah Azzawajal que l'on adore. Si on te dit, Madin ou quelle est ta religion? Farkoul, alors dit, Dini al-Islam, ma religion est l'islam. Et ensuite, il donne la définition de l'islam. Wal-Istislam lillahi bit-tawhid. Et c'est l'Istislam. Donc, on va traduire par, et c'est la soumission, de se soumettre. Et là, je ne vais pas vous refaire, mais rappelez-vous quand je vous ai donné la définition du mot islam, avec son, qui est le masdar du verbe aslama yuslimu, et qui est, vient de l'origine de trois lettres, le sin, le lam ou le mim, et notamment du verbe salima yaslamu, misl silm, d'accord, qui est la paix. À la base, c'est la paix. Parce que pourquoi on se. Je vais vous faire assez vite. Pourquoi on traduit par la soumission? Parce que quand on se soumet, par exemple, il y a deux camps qui se font la guerre, à un moment donné, il y en a un camp qui veut quoi? Ben, il veut la paix, donc il va se soumettre, il va se rendre. Il va se rendre à l'ennemi, afin qu'il ne soit plus ennemi, il va se rendre, d'accord? Il va se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix. Et donc, nous, on fait aussi, et tout être humain est demandé, et c'est obligatoire sur lui, de se rendre à Allah, de se soumettre à lui. Parce que s'il ne se rend pas à Allah, s'il ne se soumet pas à Allah, il est en guerre envers Allah, wa iyadhu billah, et il ne pourra jamais gagner. Même s'il pense que sur terre, quand il en vit, il gagne, mais en fin de compte, non, c'est un leurre. Quand il mourra, il comprendra sa douleur. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de mourir sur la mécréance et qu'il nous fasse mourir sur la foi, al-iman, al-islam. Non, comme le dit Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, l'islam c'est quoi? L'islam, il l'a bitor, donc c'est le fait de se remettre, d'en s'en remettre, de se rendre, de soumettre à Allah, bitahid, par le tawhid. Tawhid qui est le mazhab du verbe wahada yuwahidu wahidun, ay ja'alahu wahidan. Tawhid veut dire que le unifier, rendre un. Ça veut dire que Allah Rajal, on le rend un, on dit que c'est le seul à avoir l'adoration. Là c'est dans l'adoration, mais on va étudier plus tard, inshallah, les trois sortes de tawhid. Et là, on voit quoi? Il a utilisé le mot al-inqiyad, qui est notamment, comme on a vu, une des conditions, une des sept conditions. Al-inqiyad. Et c'est l'inqiyad lahu bittar. Et donc, c'est le fait d'obéir, donc de filer droit lahu à Allah. Comment? Bittara, par l'obéissance. Et là, donc là, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, en disant par l'obéissance, ça implique donc les actions. Et après, ensuite, il dit, c'est quoi l'islam aussi? Wal bara'atu min ash-shirk wa ahli, et le désaveu, s'innocenter du shirk et de ces et des gens du shirk et de ces gens wa ahli, comme on a vu dans la première risala qu'on a étudiée, qui était Asuddin wa Qaidatu Amran, le fondement de la religion et sa base sont deux choses. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, wa idha qila la question, on te dit, man nabiyu, qui est ton prophète? Farkoul, alors dit, Mohammed ibn Abdullah, Mohammed, le fils de Abdullah, donc le nom du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est Abdullah. Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, donc c'est Mohammed, son père c'était Abdullah, le père de son père, donc son grand-père c'était Abdul Muttalib, et le père de son grand-père c'était Hashim. Ensuite, wa Hashimun min Quraysh. Et Hashim fait partie de Quraysh, de cette tribu qu'on appelle Quraysh. Ensuite, wa Quraishun min al-Arab. Et Quraysh, cette tribu de Quraysh, fait partie de quelle race? De la race des al-Arab, des Arabes. Ensuite, il dit, wa al-Arabu min dhuriyati Ismail min Ibrahim. Et les Arabes sont partis de la descendance de Ismail, que Ismail était le fils de qui? De Ibrahim. Ça, comment dirais-je? Il faut faire attention, Les premiers Arabes ne descendaient pas de Ismaïl. Mais Quraysh, ils ont eu. Parce que sachez que Ismaïl n'était pas arabe. Comme normalement, vous avez dû l'étudier en lisant par exemple un livre dans la Sira. D'accord? C'était le fils de Ibrahim. Et Ibrahim, alayhi salam, Abraham, n'était pas arabe. Et il a laissé Ismaïl avec sa mère sur ce qui allait s'appeler plus tard la Mecque. D'accord? Et là, Ismaïl, après, s'est marié avec une arabe. Et il a eu des enfants, et la grande majorité des Arabes, ensuite, surtout pas au Yémen, mais au-dessus, avaient ce sang de Ismaïl qui s'est mélangé avec le sang des Arabes, je veux dire des Arabes purs à 100%, d'accord? C'est ce qui était avant. Donc les Arabes, quand ils disent ici, c'est ce qu'on appelle en arabe al-mustarib. Donc les Arabes, notamment les Arabes, la majorité des Arabes qui avaient à l'époque. Descendent de Ismaïl qui était lui fils de Ibrahim Al-Khalil qui est le proche ami c'est Al-Khalil, on sait dire un ami mais c'est le plus haut degré qu'on peut avoir dans l'amitié alayhima wa ala nabiyyina afdalus salat wa taslim sur eux deux, donc sur Ismaïl et Ibrahim, et sur notre prophète le meilleur de la prière et de la salutation. Voilà. Je vais, inshallah, terminer par un hadith qui est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari, qui est décédé en 310 de la Hijra. C'est celui aussi qui a fait le fameux un tafsir, qui est un des plus grands tafsirs. C'est le premier tafsir en entier qui nous est parvenu. D'ailleurs, on dit que Tabari c'est l'imam Mufassirin, c'est l'imam des exégètes du Coran, et qui va vous allez voir, Inch'Allah. Ce hadith-là, on le trouve aussi autre, comme dans le Sahih Bukhari, mais pas dans la même formule. J'ai pris cette formule-là parce qu'elle est très explicite. Donc, Anil Bara ibn Azib an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal. Donc, de ce sahabi qui s'appelle Al-Bara ibn Azib, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Et donc quand on le fait rentrer dans la tombe. Donc quand quelqu'un meurt et qu'on le fait rentrer dans la tombe. Alors il entend, donc quand on met, donc ça nous concerne nous aussi, quand on nous mettra dans la tombe, on entendra quoi? Le bruit des chaussures lorsqu'ils partiront. D'accord? Donc la personne, quand on enterre une personne, il entend ce qui se passe au-dessus, le bruit des chaussures, Iza wallahu, lorsqu'ils se détournent, lorsqu'ils s'en vont. Qal, fayatihi atin. Donc, après, donc cette personne-là qui est dans la tombe, vient à lui une personne, fayakul, et il lui dit. Donc, il questionne la personne qui est enterrée, il questionne le défunt. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Donc il posa trois questions. Et là, je fais une parenthèse, et là vous comprenez, on comprend pourquoi le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimullah, il a écrit ce livre, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Pourquoi? Parce que ce sont les trois questions qu'il faut absolument bien répondre quand on est mort dans la tombe. Parce que si on répond mal, c'est l'enfer. Donc cette personne qui vient, comme vous savez, c'est un ange, il pose cette question. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Quel est ton maître? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Fayakoul, alors le défunt, il répond, Rabbi Allah, mon maître est Allah, wa dini al-Islam, et ma religion est l'Islam, wa nabiyya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et mon prophète est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Fayas'alahu thaniya, wa yantahiruhu wa hi akhiru fitna. Alors il lui pose la même question une deuxième fois. Et je veux bien dire qu'il le malmène, l'ange, mais l'ange, quand il lui pose la deuxième fois cette question, il dit d'une manière assez brusque. Et c'est la dernière fitna, et la fitna dans le sens ici, c'est la dernière ibtila, c'est la dernière épreuve que l'on me donne aux croyants. Fayakul, alors. Il dit, donc le croyant, Rabbi Allah wa din l'islam wa nabiyya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mon maître est Allah, ma religion l'islam, et mon prophète est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fayunadi munadin min as-sama. Alors il y a quelqu'un qui interpelle, qui est au ciel. An qad sadak, certes, il a dit la vérité. Donc, normalement, ça doit être un ange qui dit par rapport à cette réponse-là et qui acclame haut et fort, qad sadak, certes, il a dit la vérité. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a récité à ce moment-là un verset qui est Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. C'est dans la sourate Ibrahim, Abraham, au verset 27. Ce verset-là, c'est ceci. Yuthabbitullah, Allah affermit alladhina amanu, ceux qui ont cru, bil qawli thabit, par la parole ferme, fil hayati dunya, dans cette vie d'ici-bas, quand on fait par exemple l'attestation, wa fil akhirah, et dans l'au-delà, c'est-à-dire, donc là on a l'explication du prophète, c'est-à-dire dans la tombe. Car si on ne répond pas, comme vous le savez, si on ne répond pas bien, comme vous pouvez trouver dans le Sahih Bukhari Muslim, eh bien c'est l'enfer. Et notamment la personne, quand dans d'autres versions, il dit ah, donc il s'exclame, il dit la adri, je ne sais pas à cette relation, je disais ce que les gens disaient. Et là, les anges, eh bien, ils l'amènent en enfer. Ceux qui ne répondent pas par ces questions, mais par contre qui vont répondre, comme par exemple, je disais ce que disaient les gens, c'est-à-dire qu'ils l'imitaient sans vraiment y croire, en fin de compte, eh bien, il sera en enfer éternel, ou alors, iyadou billah. Voilà, il est 21h20. Demain, Inch'Allah, on commence Nawaqid de l'islam, les annulations de l'islam, qu'Allah nous préserve de la ridda, de l'apostasie, et nous fasse voir la vérité vraie, en tant que vraie, et qui nous donne le fait de la suivre et qui nous fasse voir al-haq batila al-batila, qui nous fasse voir le faux en tant que faux et qui nous donne le fait de s'en écarter. Si vous avez des questions, notamment sur la septième condition qui était al-qaboul, al-qaboul, donc le fait qui est l'acceptation par le cœur, qui est le contraire de rad, allez-y, sinon je vais clore le cours d'aujourd'hui qui aura duré, inshallah, une heure pour une fois. C'est possible qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on ne dépasse pas une heure. Et demain, on prendra un Nawaqid de l'islam, Inch'Allah. Donc, bah tiens, je n'avais pas trop vu. Mais donc là, vous pouvez déjà écrire parce que vous n'avez pas les interdictions. Donc, notre frère Abu Mourad. Donc demande si de répéter les conditions dans leur ordre, tel que le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimullah a cité. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.